Chapitre 4e. Réponse de l'Observatoire de Cambridge. Cependant, Barbicane ne perdit pas un instant au milieu des ovations dont il était l'objet. Son premier soin fut de réunir ses collègues dans les bureaux du Gun Club. Là, après discussion, on convint de consulter les astronomes sur la partie astronomique de l'entreprise. Leur réponse, une fois connue, on discuterait alors les moyens mécaniques, et rien ne serait négligé pour assurer le succès de cette grande expérience. Une note très précise, contenant des questions spéciales, fut donc rédigée et adressée à l'Observatoire de Cambridge, dans le Massachusetts. Cette ville, où fut fondée la première université des États-Unis, est justement célèbre par son bureau astronomique. Là se trouvent réunis des savants du plus haut mérite. Là fonctionne la puissante lunette qui permit à Bond de résoudre la nébuleuse d'Andromède et à Clark de découvrir le satellite de Sirius. Cet établissement célèbre justifiait donc à tous les titres la confiance du Gun Club. Aussi, deux jours après, sa réponse, si impatiemment attendue, arrivait entre les mains du président Barbicane. Elle était conçue en ces termes. Le directeur de l'Observatoire de Cambridge au président du Gun Club à Baltimore. Cambridge, 7 octobre. Au reçu de votre honoré du 6 courant, adressé à l'Observatoire de Cambridge au nom des membres du Gun Club de Baltimore, notre bureau s'est immédiatement réuni et il a jugé à propos de répondre comme suit. Les questions qui lui ont été posées sont celles-ci. Premièrement, est-il possible d'envoyer un projectile dans la Lune? Deuxièmement, quelle est la distance exacte qui sépare la Terre de son satellite? Troisièmement, quelle sera la durée du trajet du projectile auquel aura été imprimée une vitesse initiale suffisante? Et par conséquent, à quel moment devra-t-on le lancer pour qu'il rencontre la Lune en un point déterminé? Quatrièmement, à quel moment précis la Lune se présentera-t-elle dans la position la plus favorable pour être atteinte par le projectile? Cinquièmement, quel point du ciel devra-t-on viser avec le canon destiné à lancer le projectile? Sixièmement, quelle place la Lune occupera-t-elle dans le ciel au moment où partira le projectile? Sur la première question, est-il possible d'envoyer un projectile dans la Lune? Oui, il est possible d'envoyer un projectile dans la Lune si l'on parvient à animer ce projectile d'une vitesse initiale de 12 milliards par seconde. Le calcul démontre que cette vitesse est suffisante. À mesure que l'on s'éloigne de la Terre, l'action de la pesanteur diminue en raison inverse du carré des distances, c'est-à-dire que pour une distance 3 fois plus grande, cette action est 9 fois moins forte. En conséquence, la pesanteur du boulet décroîtra rapidement et finira par s'annuler complètement au moment où l'attraction de la Lune fera équilibre à celle de la Terre, c'est-à-dire au 47/52e du trajet. En ce moment, le projectile ne pèsera plus et s'il franchit ce point, il tombera sur la Lune par l'effet seul de l'attraction lunaire. La possibilité théorique de l'expérience est donc absolument démontrée. Quant à sa réussite, elle dépend uniquement de la puissance de l'engin employé. Sur la deuxième question, quelle est la distance exacte qui sépare la Terre de son satellite? La Lune ne décrit pas autour de la Terre une circonférence, mais bien une ellipse dont notre globe occupe l'un des foyers. De là, cette conséquence que la Lune se trouve tantôt plus rapprochée de la Terre et tantôt plus éloignée, ou en termes astronomiques, tantôt dans son apogée, tantôt dans son périgée. Or, la différence entre sa plus grande et sa plus petite distance est assez considérable dans l'espèce pour qu'on ne doive pas la négliger. En effet, dans son apogée, la Lune est à 247 552 milles, 99 640 lieues de 4 km, et dans son périgée à 218 657 milles seulement, 88 010 lieues, ce qui fait une différence de 28 895 milles, 11 630 lieues, ou plus du 1/9 du parcours. C'est donc la distance périgéenne de la Lune qui doit servir de base au calcul. Sur la troisième question, quelle sera la durée du trajet du projectile auquel aura été imprimée une vitesse initiale suffisante et par conséquent, à quel moment devra-t-on le lancer pour qu'il rencontre la Lune en un point déterminé? Si le boulet conservait indéfiniment la vitesse initiale de 12 milliards par seconde qui lui aura été imprimée à son départ, il ne mettrait que 9 heures environ à se rendre à sa destination. Mais comme cette vitesse initiale ira continuellement en décroissant, il se trouve, tout calcul fait, que le projectile emploiera 300 000 secondes,